On va prier. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Mosika nauti penena kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungie Mosika nauti penena kokende kotambola na kotambola Yesu nde Mosika nauti Mosika nauti Kolena kokende Kotambola na kotambola Yesu nde lisungie Kolona bolingo Kolona bolingo Kolona Kolona mawa Kolona bolingo Kolona Kolona Benena kokoma Maba kunanzela Yesu Yesu kinanga Kolona bolingo Kolona bolingo ces instants. Glorifie ton nom. Que Christ soit élevé. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons poursuivre notre enseignement. Le combat de la réussite. Vita vya mafanikio. Nous sommes en train de parler de cette bataille. Tuko tunazungumzia vita saba. Et hier nous avons parlé de la bataille des divinités. Na jana tulikuwa tukizungumzia vita vya miungu. Aujourd'hui, j'aimerais développer à quelques minutes qui me restent deux combats. Leo ningependa nizungumzie kwa dakika kidogo. Je vais parler du combat de la transition et du combat du décalage. Nitazungumzia vita vya mpito na vita vya utofauti. Le combat de la transition. Vita vya mapito. Et le combat du décalage. Na vita vya utofauti. Nous avons notre référence dans 1 roi 17 verset 7. Tunakuwa na andiko letu la msingi kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 aya yake ya 17. Mais au bout d'un certain temps le torrent fit à sec. Kisha muda fulani kijito kia moto kia maji kikakauka. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. Na mvua ikunyesha ndani ya nchi. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Na neno la Yawe likamfikia kwa maneno haya. Lève-toi va à Sarepta. Simama na uende Zerepata. qui appartient à Sidon, ambayo inakuwa ndani ya mji wa Sidon, demeure là. Na ubaki huko. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Natazama niliamuru mwanamke mjane aweze kulisha. Alors verset 17 et 18 du même chapitre. Shaili la 17 na 18 ya hii sura. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Kisha mambo haya mtoto wa ule mwanamke mjane akagonjwa. Et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Na magonjwa yake yakawa makali na hakuweza tena kupumua. Cette femme dit alors à Élie. Na huyu mwanamke akamwambia Elia. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Kuna nini kati yangu na wewe mtumishi wa Mungu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité? Je, ulikuja kwangu ili unikumbushe makosa yangu? Et pour faire mourir mon na, fils. Na usababishe kifo cha mwana wangu? Que Dieu bénisse sa parole. Mungu alibariki neno lake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Sur le chemin de la réussite. Kwenye njia ya mafanikio. Sur le chemin de la promesse de Dieu. Kwenye njia ya ahadi ya Mungu. Il y a des batailles qu'il faut vaincre. Kuna vita ambavyo ni shetu vishinde. Ces batailles sont de trois niveaux. Vita hivi vinakuwa vya ngazi tatu. Il y a des batailles qui sont liés à nous-mêmes. Kuna vita ambavyo vinaambatana na sisi wenyewe. Qui sont liés à notre nature. Vinavyoambatana na utu wetu. Je peux les appeler des batailles intérieures. Naweza kuvita vita vya ndani. C'est attaché à notre compréhension. Vinaambatana na kuelewa kwetu. C'est attaché à notre manière de voir les choses. Vinaambatana na namna yetu ya kuona mambo. Et nous devons vaincre ces batailles-là. Na tunapaswa kushinda vita hivyo. C'est pourquoi Dieu disait. Ndio maana Mungu alikuwa akisema. Il dit Jérémie. Anasema Yeremia. Que vois-tu? Unaona nini? Parce qu'il voulait traiter sa perception. Sababu alitafuta kuangalia mtazamo wake. Dieu veut se rassurer qu'il voit comme lui voit. Na Mungu anapenda ajue ya kwamba huyu Yeremia anaona jinsi yeye mwenyewe anaona. Il y a des batailles liées à notre façon de voir. Kuna vita ambavyo vinaambatana na namna yetu ya kuona. Deuxième niveau, ce sont des batailles naturelles. Ngazi ya pili inakuwa ni vita vya kawaida. Vous pouvez avoir des batailles dans la vie. Unaweza kuwa na vita maishani. Ça n'a rien à voir avec le démon. Haina la kufanya na mapepo. Premier niveau, ça a à faire avec votre niveau de compréhension. Ngazi ya kwanza inaambatana na namna yako ya kuelewa. Deuxième niveau, c'est par rapport à la nature, la réalité de la nature. Lakini ngazi ya pili inaonekana ukweli wa mazingira. Et on doit vaincre aussi ces combats-là. Na tunapaswa shinda vita hivyo. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Biblia nasema ya kwamba mazingira hayawafundishi. Nous pouvons rater la réussite. Tunaweza kupoteza mafanikio. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris dans les lois de la nature. Ambao hatukuelewa ndani ya sheria za kawaida. Et la troisième dimension. Na ngazi ya tatu. C'est les combats spirituels. Ni vita sasa ya kiroho. Là vous avez affaire à des esprits. Hapa unakuwa mbele ya mapepo. Et donc tout ce que nous rencontrons comme bataille, ce n'est pas toujours des esprits. Yote tunayokutana kama vita sio tu mapepo. Mais les esprits existent. Lakini mapepo yapo. Et il y a un combat à ce niveau-là. Na kuna vita kwa hii ngazi. Alors quand je parle de ces deux combats, sasa napozungumzia hivi vita viwili, c'est beaucoup plus de combats liés à notre compréhension. Ni vita ambavyo vinaambatana na kuelewa kwetu. Et à notre maturité. Na kukomaa kwetu. Et aux lois de la nature. Na sheria za mazingira. Demain nous allons commencer de prière. Kesho tutaanza maombi. Parce que là je vais aborder le domaine des combats dans l'esprit. Sababu hapa nitaingilia vita ndani ya roho. Mais aujourd'hui je vais m'adresser à notre compréhension. Lakini leo nitaenda kuzungumzia kuelewa kwetu. Il y a des batailles. Kuna vita. Si on ne les a pas remportées. Kama hukuvishinda. On ne verra pas la réalisation de promesses de hautaona utimilifu wa ahadi za Mungu. Dieu a dit vous serez la tête et non la queue. Mungu alisema mtakuwa kichwa hapa na mkia. Mais ça ce n'est pas un jeu. Lakini hii sio mchezo. Ce n'est pas quelque chose que l'on ramasse. Sio kitu ambacho taogota kwenye njia. La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ sur la croix. Tumeipata ndani ya Yesu Kristo msalabani. Mais il y a des victoires personnelles que vous devez vous engagez dans un combat pour les avoir. Lakini kuna vita ambavyo unapaswa kujitoa wewe mwenyewe ili upate ushindi. Qu'est-ce que j'appelle la transition? Nini naita mpito? La transition c'est un passage. Mpito ni kutoka. D'un état ndani ya hali moja à un autre. Na unaendea hali nyingine. Vous passez d'une situation. Unatoka ndani ya hali fulani à une autre situation. Na unaendea hali nyingine. Ça, c'est une transition. Hii ni mpito. Et savez-vous que c'est difficile de faire la transition? Na je mnajua kwamba ni vigumu kufanya mpito? Il y a des papas qui ont des problèmes avec leur mariage. Kuna wababa wana shida na ndoa zao. Parce qu'ils ont échoué cette bataille de transition. Je vais parler dans le langage simple. Sababu walishindwa hii vita vya mpito. Il continue à manger chez sa mère. Anaendelea kula kwa mamae. Parce que la transition dans sa tête de comprendre qu'il n'est plus fils de sa mère, il est maintenant mari. Sababu mpito ndani ya kichwa chake ya kuelewa ya kwamba haiko tena mwana wa mama yake lakini amesha kuwa mume na kuwa vigumu kwake. J'ai aimé ce que notre papa disait le dimanche. Na napenda ile ambayo baba alikuwa akisema siku ya Mungu. Il y a des gens qui savent qu'ils sont des grands frères. Kuna watu ambao wanajua ya kwamba ni wakubwa. Et ils ne réussissent pas la transition. Na wafaulu hii mpito. Là je suis en train de parler. Hapa niko nazungumza. Quel que soit mon âge, je suis sous l'onction divine. Hijalisi miaka yangu. Il y a le mandat onctionnel que j'ai. Kuna hii uwezo wa upako. Il y a l'autorité de mon père que j'ai, il m'a donné l'hôtel, donc j'ai cette autorité. Kuna mamlaka ambayo baba amenipatia ninakuwa kwenye madhabahu amenipatia mamlaka. Vous n'avez pas besoin de dire à celui qui est à côté de vous, ça c'est mon petit. Na hauna haja ya kuambia naye kwa vous avez échoué la transition. Umeshindwa mpito. Et il y a des gens qui ont été emprisonnés comme ça. Na kuna watu ambao walifungwa hivyo. Il a été ami au gouverneur et le gouverneur est à pleine cérémonie. Il vient dire, oh non, camarade, on dit, ramassez-le. Il ne sait pas faire la transition. Il y a celui qui est à côté de toi, frère, la vie change. Si Dieu m'élève, fais la transition. La transition, c'est un combat. Mpito ni vita vikubwa. Hallelujah. Amen. Dieu va te lever. Mungu atakuinua. Et tu vas oublier d'ouvrir c'est pas moi la porte de la voiture. Na utasahau hata kufungua mlango. On doit vous enseigner ça. Même si vous avez l'humilité à un certain niveau d'élévation, vous laisserez à quelqu'un d'autre ouvrir la porte. Il y a des dimensions où Dieu va vous élever. Vous serez obligé d'avoir un chauffeur. Et il ne faut pas dire, oh non, je suis humble, moi je reste chauffeur, je me conduis moi-même. Tu vas faire des accidents. Parce qu'au niveau où tu es élevé, il y a beaucoup de choses, tu dois être en train de réfléchir. Pendant que tu roules, quelqu'un d'autre s'occupe de problèmes de conduire. Toi, tu réfléchis sur des choses. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, tu dois réussir la transition de cette victoire que tu sers. Alléluia. Amina. Et les achats, on doit réussir ça. Plus nous grandissons, notre père devient plus responsable. Baba wetu anakuwa na jukumu nyingi. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas l'appeler à tout moment et l'avoir. Na tunapaswa kuelewa kwamba hatuwezi kumuita kila mara na kumpata. Et si vous ne l'avez pas, vous ne vous fâchez pas. Na kama haukumpata, hupaswa kukasirika. Parce que voyez, tous ceux qui sont là peuvent avoir besoin de l'appeler. Si nous tous nous l'appelons la journée. Wote ambao wako hapa wanahitaji kumuita. Sasa sisi sote tukumuita ndani ya mchana. Il faut réussir la transition. Inaomba ufaulu hii vita. S'il arrive chez vous, vous lui donnez le sucre, lui donnez de l'eau. Vous acceptez. Fika kwako unampatia akunywe Fanta anakuambia nipe maji unapaswa kukubali. Oh non, papa, le même jus, s'il boit le jus de tout le monde, si on va le perdre. Akikula Fanta kila mtu ya kila mtu sasa tagonja magonjwa kisukari. Dis à celui qui est à côté de toi, on doit transiter, frère. Ambia naye kwa pembeni yako tunapaswa kupita ndugu. Acclame le Seigneur, je sens comme si je suis en train de décoller. Nasikia napanda kabisa. Ça s'appelle la bataille de la transition. Inaitwa vita vya mpito. Bon, ça c'était par rapport à nous-mêmes. Hii ilikuwa inaambatana sisi wenyewe. Mais la dimension monte même au niveau de Dieu. Lakini ngazi na hadi kwa Mungu. Il y a des niveaux où Dieu permet que nous puissions quitter d'un niveau à l'autre. Kuna ngazi ambao Mungu anahitaji tutoke hatua moja kwenye hatua nyingine. Et on doit l'accepter. Na tunapaswa kuikubali. D'une dimension à une autre. Tutoke kiwango moja kwa kiwango kingine. D'une réalité à une autre. Kwa ukweli moja hadi ukweli mwingine. C'est une grande bataille. Ni vita vikubwa. Et quand on ne les réussit pas, na wakati hatufanikiwe ndani ya vita hivi, on ne passe pas à l'étape suivante. Hawezi kufikia hatua inayofuata. Une sœur qui s'est mariée et qui refuse d'être mère. Dada ambaye aliolewa na anakataa kuwa mama. elle va continuer avec des kangadadi alors qu'elle est épouse de quelqu'un. Atendelea kuvaa kangadadi japokuwa yeye ni mke wa mtu mwingine. Et on peut faire des réunions de famille où dit cette femme n'est pas digne. Na tunaweza kufanya hata na mikutano ya jamaa wanasema huyu mwanamke hastahili. Ce n'est pas qu'elle n'est pas belle. Sikusema yeye si mrembo. Mais elle a échoué une certaine transition. Lakini alishindwa mpito moja. Parce que à un niveau donné, il nous est demandé un comportement donné. Sababu kwa kiwango fulani na est-ce que je parle à quelqu'un qui est prêt à être élevé par le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est candidat à l'élévation? Je suis venu te dire que la réussite que tu cherches, la réussite que Dieu t'a promis, te demandera de transition. Il y aura des changements dans ton comportement. Il y aura des changements dans ta gestion. Il y aura des changements dans ta façon de faire. Parce que c'est ça. Les lois naturelles. Sababu hii ndizo sheria za kawaida. Qu'est-ce que nous appelons le décollage, le décalage? Tunaita nini hii utofauti? Le décalage. Utofauti. C'est la différence. Ni ule utofauti entre la théorie kati ya iliyosemeka ama iliyoandikwa na ukweli. Sur le chemin de la vie. Kwenye njia ya maisha. Sur le chemin de la foi. Kwenye njia ya imani. Dans la vie chrétienne. Ndani ya maisha ya Kikristo. Il arrivera un moment donné. Itafika wakati fulani. Où ta logique humaine. Ambapo akili yako ya kinadamu. Ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Haielewi inayopitikana. Pourtant ça sera Dieu qui est en train d'agir. Itapokuwa itakuwa ni Mungu ambaye iko natenda. Tu sens Dieu a dit ça. Unajua Mungu alisema hivi. Mais tu vis autre chose. Lakini unaishi kinyume ya hiyo. Ça je l'appelle la décollage de le décalage de la foi. Hii naita utofauti wa imani. Tu vois comme si le verset auquel tu as cru. Unaona kama ile sahili uliyoiaminia. Dis le contraire de ce que tu es en train de vivre. Inasema kinyume ya ile ambayo wewe unaishi. Il y a quelques années, il y a un pasteur américain qui s'est suicidé. Kuna miaka iliyopita kuna mchungaji wa Amerika ambaye alijua yeye mwenyewe. Et c'était un dimanche. Na ilikuwa ni siku ya Mungu. Alors qu'ils allaient à l'église, il a dit à sa famille, vous pouvez prendre l'autre voiture, je viens après vous. Walipoenda kwenye kanisa siku ya Mungu akamwambia jamaa lake l'église a commencé jusqu'à finir on attendait ne venait pas on rentre à la maison on trouve qu'il s'est suicidé. Na kanisa ilikuwa ikingoja wanaona juulisa sio nini hakufike wakarudi nyumbani wakamkuta amejiua. Et après étant on s'est rendu compte qu'il était dans un combat. Na kisha muda wakaelewa ya kwamba alikuwa ndani ya vita. Il a eu à croiser les enseignements sur le miracle. Aliona mafundisho juu ya miujiza. Et il a commencé à prier, à s'investir pour vivre ce miracle. Na akaanza kuomba na kujitoa ili aishi miujiza hii. Il y a eu même des secrets que l'on a écrit. Kuna hata masiri ambazo waliandika. Il s'est investi dans ces secrets-là. Akajitoa ndani ya siri hizo. Et ça ne marchait pas. Na mambo ilikuwa iendeki. Il sentait comme s'il était en contradiction avec ce qu'il voulait. Na alikuwa anasikia kwamba anakuwa ndani ya kinyume ya ile ambayo alikuwa anahitaji. Et il a arrêté sa vie. Na akamaliza maisha yake. Le décalage. Utofauti. Quand on sort de 30 jours, maintenant c'est 35. Au sort du tournant, 30 jours, on a été à jeûne et prière dans la présence de Dieu. Unapotoka ndani ya kipindi hiki, siku makumi tatu na tano, umekuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Et vous sortez, on vous dit non, le contrat s'arrête. Na unatoka, wanakuambia kazi yako imekwisha. Vous attendiez une promotion, vous dites c'est le contrat qui s'arrête. Wewe ulikuwa unangojelea uniliwe kazini, kisha wanakuambia kazi imeisha. Vous attendiez que ce fiancé-là amène maintenant la dot, il dit mais non, je ne vois pas, je crois qu'on ne peut plus évoluer. Ulikuwa unangoja mchumba ule alete mali na kisha nakwambia mambo inaishia hapa, hatuwezi endelea. C'est ce que j'appelle le décalage de la foi. Na hii inayoita utofauti wa imani. Et il faut être à mesure de vaincre cette bataille pour voir la prochaine visitation. Na inaomba ushinde vita hivi ili upate kutembelewa inayokuja. Et qu'est-ce que ce qui va arriver quand on parle de transition? Wakati tunazungumzia hii Je vais revenir sur le dilemme du prophète. Nitaanza kuzungumzia mashaka ya nabii. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'analyser la vie d'Élie. Situko tunaangalia maisha ya Elia. Élie c'est un homme? Elia ni mtu. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que vous. Biblia nasema Elia alikuwa mtu kama nyinyi. Mais il a appuyé et le ciel s'est retenu pendant 3 ans et demi sans relâcher la pluie. Et à la fin, nous voyons qu'il n'a pas vu la mort, Dieu l'a enlevé. Mais nous sommes en train de découvrir qu'il a eu besoin de vaincre certaines batailles. Il a eu besoin d'avoir la victoire. Et hier, nous avons vu qu'il se battait d'abord contre les divinités. Notre bataille n'est pas une bataille d'impressionner. Mais chaque victoire que nous avons doit faire tomber une divinité. Voilà la pensée d'hier. Cet homme arrive devant le roi. Il n'est pas connu avant cela. Mais il arrive devant le roi et il dit au roi, cette année, il n'y aura pas de pluie. Pas seulement la pluie, mais la rosée. C'est-à-dire la sécheresse va frapper. Dans le vrai terme de mot. Sinon à ma parole. Et Dieu lui dit, va, cache-toi au torrent de Kérit. Pendant que Dieu frappe le peuple, je vais mieux dire, pendant que Dieu frappe Baal, qui s'est approprié la pluie. Quand le prophète dit, il n'y aura pas la pluie. Il est en train de frapper Baal. Il est en train d'humilier Baal pour restaurer Dieu dans son hôtel. Pour dire que ce Dieu le boss de la pluie. Allez vers Baal. On verra s'il est capable de donner la pluie. Vous lui avez donné des offrandes. Vous lui avez donné de l'adoration. À disant que celui qui vous donne la pluie, alors le vrai Dieu, Yahweh, il récupère sa pluie, que Baal prouve qu'il est Dieu. Et pendant 3 ans et demi, Baal est humilié. Mais pendant que Baal est humilié, Dieu dit au prophète, va cache-toi. Bien-aimé, si nous devons réussir avec Dieu, nous allons apprendre à nous cacher quand Dieu exerce ses jugements. Si nous sommes candidats à la victoire, si nous sommes candidats à la grandeur, nous devons être prêts à nous cacher quand Dieu se révèle afin qu'il obtienne la gloire. Pourquoi les gens croiraient que c'est moi qui guéris les malades? Pourquoi les gens croiraient que c'est toi le responsable de la famille? Dieu cherche des papas et des mamans qui vont dire à leurs enfants, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Cache-toi. Même si c'est toi qui as payé le Minerval, cache-toi. Apprenons à nous cacher. C'est cela l'adoration. C'est une autre dimension de la gloire de Dieu. L'Ifoko du ciel a chanté. L'Ifoko du ciel kaimba. Il dit, pourquoi les bonnes personnes meurent avant? C'est parce qu'ils ne savent pas se cacher. Si tu es responsable d'une famille, et tout le monde sait que c'est toi qui aides la famille, tu vas être en conflit avec Dieu. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas capable de prendre en charge la famille. Ce n'est là que la grâce de Dieu. Mais pourquoi nous n'avons pas le temps de dire à nos familles, bien-aimés, je fais ce que je fais, mais c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai même pas la force de le faire. Mais mais c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est une autre façon d'adorer Dieu. Ça, c'est une autre façon d'élever le trône de Dieu. Depuis quand toi, tu es le soutien de la famille? Depuis quand tu te fais adorer dans l'entreprise? Tu vas rencontrer Dieu. Tu vas te battre avec Dieu. Quand Dieu descend, laisse-le. Cache-toi. Il dit, cache-toi, mon serviteur. Et moi, je serai en train de montrer qui je suis. Les pasteurs, nous sommes morts dans les sacerdoces. Parce que quand Dieu a guéri, nous avons dit que c'est nous. Quand Dieu a béni les gens, nous avons dit que c'est nous. Depuis quand nous pouvons guérir les malades? Nous-mêmes, nous avons des maladies. Ça, ce sont des maladies. Depuis quand nous sommes les patrons de la guérison? Depuis quand nous sommes les acteurs de l'évolution de la vie des gens? Nous sommes que des instruments. J'aime quand l'ange descend. Et Jean veut se prosterner devant lui. Et l'ange lui dit, non, je suis aussi serviteur comme toi. Dieu, il a besoin des hommes et des femmes qui vont se lever dans cette génération, dans les familles, dans la nation, pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Au temps de Mobutu, on a mis à la RTNC. Des émissions où on montrait Mobutu venir du ciel. Je ne suis qu'un enfant d'hier, mais il y a des documentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu le temps de Mobutu qui a dansé, qui peut élever sa main? Vous avez vu cette photo-là? Mais le jour de son enterrement, il y avait 8 personnes. 4. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est parmi nos présidents. Et je me permets de parler de lui parce que nous sommes dans la démocratie. Laissez jouir de ça. Et édicons la génération qui arrive à cause de ça. Les autorités d'aujourd'hui, s'ils font la même chose, ils vont mourir. Ils vont être humiliés par Dieu. La nation ici appartient à l'Éternel. Celui qui prendra la place de Dieu, il ne rencontrera pas l'inépaisse. Il ne rencontrera pas l'opposition. Il ne rencontrera pas la société civile. Il rencontrera l'Éternel des armées. Dieu, il est le père de la nation. Dieu, il est le père du monde. Vous êtes né hier. Votre village n'a même pas de courant. Comment vous voulez qu'on vous adore? Parce que vous êtes tel dans l'armée ou dans le corps. Non, non, non, non, non, non, non, non. Si Dieu t'utilise, cache-toi. Tu n'es qu'un homme. Tu as le sang. Tu es poussière. Touche celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, frère, tu es poussière. Néhémie, dis-moi. Dis-moi que même si tu prêches avec onction, toi là, tu es poussière. Amen, amen. Amina. Acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il cherche des gens dans cette génération qui vont glorifier son nom. Et il a tenté d'élever les hommes. Mais arrivé à un niveau, ces hommes oublient qu'ils sont des hommes. Et ils prennent la place de Dieu. Ou alors ils oublient Dieu. Vous voyez, nous sommes compliqués. Tu te rappelles ce jour-là où tu as dit les gens de Goma? Uliposema watu wa Goma. Toi, tu es d'où? Il y a même ceux qui se permettent. Kuna wanao jiruhusu. C'est vraiment une maïnje à Mbeusi. Tu les regardes, tu as l'impression que tu as des vailles blancs. C'est vraiment le frère là de Ijui. Là. Il vient d'oublier qui. Dis à celui qui est à côté de toi, rappelle-toi quand même de qui tu es venu. Tu as seulement, je ne sais pas, un véhicule bien. Et puis non, tu n'es plus de Goma. Kisha wewe si wa Goma. Les gens de Goma marchent pêle-mêle dans les rues. Hakika watu wa Goma wanatembea kwa leo ndani ya barabara. Leur mentalité woko wapi? Wao watu wa Goma kabisa. Mbona unasahau mbio? Siadu. Siao pia civite. Mbona unasahau aka? Siao blie civite. Oh. Ou. Nous vraiment suis capable congolais bana kwa kae. Mais moi ça connaît pas, je sais pas comment les Congolais sont. Ou américain. Tiens américain. Acclame très fort le Seigneur. Shangilia vizuri Bwana. Alors Dieu dit au prophète, cache-toi au Torah de Kérit, et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et il fait là 3 ans et demi. Tout ce qu'on nous raconte, c'est qu'il s'est caché et le corbeau était ponctuel au rendez-vous. S'il faut manger 3 fois, c'est la même heure. 18h va déposer. 12h va déposer. 7h va déposer. Et l'homme de Dieu se réveille. Je ne sais pas si c'était des moments de prière, de méditation, de sieste. Dieu fera très bien sa part de responsabilité dans ta vie. Il le fera bien. Il le fera bien. 3 ans et demi, papa Jackson. Sans travail. Sans aller au champ. Les corbeaux amènent. On parle de la viande. Il mange bien. Anakula vizuri. Et puis, nakisha. Dieu lui dit sort. Mungu anamwambia ondoka. Le temps de te donner la nourriture là, c'est fini. Wakati wa kupatia chakula imeisha. J'ai ordonné à une veuve. Nimeamuru mjane. Mais il fallait ordonner au gouverneur. Singeomba uamuru hata liwali. Veuve. Mjane. Il fallait ordonner au maire de la ville. Même au sacrificateur. Mais la veuve. Lakini mjane, la veuve était dans la dernière catégorie des gens en Israël. Il y avait une loi qui protégeait le veuve. On dit, quand tu récoltes ton champ, tu laisseras un coin pour les orphelins, le veuve et les étrangers. Maintenant, Dieu prend son serviteur qui a été pendant 3 ans et demi sous l'onction du surnaturel qui a été prise en charge par Dieu. Là, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de retard de préparation, il n'y a pas de délai, hakuna retard. Hakuna kuchelewa. Et Dieu dit maintenant, je t'abandonne, je te confie à une faible de ma communauté. C'est ce que j'appelle transition. On est ensemble. Où Dieu peut te dire, tu sors de cette situation. Où tu as tout. Et il t'envoie là où il semble qu'il n'y a rien. Il faut réussir. Cette transition. Vous pensez que c'est facile de laisser, de quitter un endroit où la nourriture s'amène et aller vers une veuve? Si le Torah est déjà sec, la veuve aura l'eau où? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un combat de transition. Je ne parle pas des démons. Je parle de la transition. Où Dieu dit, tu quittes un point A, tu vas vers un point B. C'est moi qui l'ai dit. Il n'y a pas diable. Il n'y a pas Satan. Mais il y a comprendre. Il faut accepter ça. Il faut s'adapter à ça. Il faut s'intégrer dans ça. Et c'est ça la condition qui vient avant que le feu descende. Si tu n'as pas réussi la transition, tu ne verras pas le feu. donc la question est celle-ci, le dilemme. Na sasa shaka ni hili. Comment se cacher? Namna gani kujificha? Quand Dieu se révèle. Wakati Mungu anajifunua. Pourquoi se cacher? Sababu gani kujificha? Quand la prophétie se réalise. Wakati unabii umetimia. Et comment quitter la sécurité divine? Na namna gani kutoka ndani ya usalama wa Kimungu? Et aller vers. Na wende l'humain. Kwa wanadamu. Laissez-moi parler à quelqu'un et à prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu peux avoir un grand ministère et Dieu te donne un faible coach. Vas-tu réussir la transition? Tu peux être toi le boss de cette entreprise. Mais celui qui va t'entraîner, c'est d'abord la sentinelle. Lakini atakaye kufundisha nizamu. Il y a des gens qui n'ont pas ta taille. Kuna watu ambao hawana kimo. Il y a des gens qui n'ont pas ta destinée. Kuna watu ambao hawana maisha yako. Il y a des gens qui n'ont pas ton appel. Kuna watu ambao hawana wito wako. Mais ils ont la clé. Lakini wana funguo. Du grand villa que tu habiteras. Ya ile nyumba kubwa ambayo utaishi. Ils ne seront pas le boss. Awa watakuwa mabosi. Ils ne seront pas présidents comme toi. Awa watakuwa maraisi kama mimi. Mais ils ont un secret pour lakini que tu y arrives. Lakini wana siri ili waufike huko. Tu dois avoir un cœur. Unapasa kuwa na moyo. Pour accepter. Ili ukubali. Quand Dieu dit à Élie, wakati Mungu anamwambia Elia, wende. Te soumettre à une veuve. Wende ukae. Moi l'homme de Dieu. Mimi mtumishi wa Mungu. Capable. Ambaye na uwezo. De retenir. Ya kushika. La pluie. Mvua. Pendant 3 ans et demi. Nyasi miaka 3 na nusu. Je vais être pris en charge par une veuve. Nitahudumiwa na mjane. Pourquoi pas un patron? Sababu gani isikuwe ni bosi mkubwa? Il faut réussir ça. Inaomba ufaulu hii. La sœur Rachel nous a parlé, la pasteur Rachel. Mchungaji Rachel alituzungumzia. De Saul. Juu ya Saul. Il a la taille. Anakuwa na kimo. Il est le plus élevé. Yeye ndiye anayeuniliwa. Et il a l'appel d'être roi. Na na wito ya kuwa mfalme. Mais il est découragé. Lakini amefutika moyo. Mais il a quelqu'un. Lakini ana mtu. Qui n'a pas sa taille. Ambaye hana kimo. Qui n'a pas sa chance. Ambaye anakuwa hana bahati. Qui n'a pas son appel. Ambaye hana wito wake. Mais qui a le pain. Lakini anakuwa. Pour le prophète. Na ile mkate. Qui a l'information. Ambaye ana habari. Pour le prophète. Juu ya nabii. Il peut dire à cet homme. Anaweza kuambia mtu. Moi je ne serai pas roi. Mimi sitakuwa mfalme. Mais. Lakini. Ne te décourage pas. Usivunjike moyo. Dans cette ville, ndani ya mji huu, il y a un voyant. Kuna kuwa mwonaji. Il peut te dire des choses. Anaweza kuambia mambo. L'homme qui est appelé à être roi. Na huyo mtu ambaye ameitwa kwa mfalme. Il ne connaît pas qu'il y a un prophète. Hajui ya kwamba kuna nabii. Et il sait qu'il faut aller chez le prophète avec le pain ou quelque chose. Anajua anapaswa enda kwa nabii pamoja na. Et il n'a rien à amener. Na hana kitu cha kupeleka. Mais le serviteur. Lakini mtumishi. Il a les formations. Anakuwa na habari. Et il lui dit je vais donner l'offrande pour toi. Na anasema nitapana sadaka juu yako. Moi je vais donner. Mimi nitapana. Ce qui est nécessaire pour le prophète. Ile ambayo ni amana kwa nabii. Pour vu que tu sois à contact. Ili wewe ukutane pamoja na wito wako. Je vous ai parlé de Samson. Niliwazungumzia Samson, il a la force de renverser le temple de Dagon. Mais Samson n'a pas les yeux pour voir les colonnes. Il doit faire seulement une bonne association. Que Dieu te bénisse, pasteur. Bonne association. Dis avec moi, bonne association. Que Dieu amène des gens sur ton chemin. Des bons associés. Quand tu t'associes avec eux, tu deviens le meilleur de toi. Tu produis le meilleur de toi. Ndani yako. Mais est-ce que tu es capable de les accepter? Lakini je unayo uwezo wa kuwakubali? Es-tu capable de respecter même la sentinelle qui est à ta porte? Je unayo uwezo wa kumheshimu hata zamu aliye mlangoni mwako? Tu as même du mal à dire bonjour à ta sentinelle. Unayo hata ugumu wa kumwambia zamu yako jambo. Tu le payes pour ta sécurité. Ijapokuwa unamlipa kwa ajili ya ulinzi wako. Si quelqu'un veut te tuer. Kama mtu anapenda kuue. Il suffit qu'il lui donne quelques francs. Ça t'empatie à tout franc à qui donne. Avant de lui payer, tu l'injuries de la tête aux pieds. Nambele ya kumlipo naanza kumsamba kuanzia miguu hadi kwenye kichwa. Je, unaelewa unayofanya? Celui qui prépare la nourriture chez vous là. Anayekutayarishia chakula nyumbani kwenu hapo. Tu l'injuries. Tu le rappelles son village. Unamkumbusha tu le rappelles ses parents. Tu le rappelles que son niveau d'études. Unamkumbusha masomo yake. Tu le rappelles que c'est par pitié qu'il est là. Unamkumbusha. Pourtant l'ennemi, ton ennemi s'il veut te tuer, c'est celui-là qu'il va utiliser. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà payé ta bonne? Uliza jirani yako hapa, je umesha kumlipa bili wako? Si tu n'as pas encore fait, Laisse qu'il au bénéfice de ce tournant. Va payer, va payer. Kama haujaifanya wende ukalipa. Vous savez, nous sommes en contradiction des fois avec nous-mêmes. Unajua sisi wenyewe tunajipinga mara moja. Celui qui est notre sécurité, c'est celui là que nous piétinons. Ule ambaye anakuwa mlinzi wetu ni yeye ambaye tunafinyanga. C'est vrai dans nos maisons. Ndio kweli ndani ya nyumba zetu. C'est vrai dans la nation. Ni kweli ndani ya taifa. Quelqu'un a dit ceci. Mtu mmoja akasema. Si vous voulez tuer une nation. Kama unapenda uwe taifa zima. Vous n'avez pas besoin des armes. Hauna haja silaha. Tuer l'éducation. Wendo kauwe mafundisho. C'est ce qui se passe dans les pays africains. C'est ce qui se passe dans notre nation. Tant que l'enseignant est méprisé, il n'y a pas d'avenir pour le Congo. L'enseignant va dormir devant les élèves et dire à ton enfant c'est un gaillard zéro. Nos enfants sont nuls. Watoto wetu watakuwa pumbafu ni bure. Et on n'aura pas besoin d'une opposition. Na tutakuwa na haja ya wapinzani. Tous on sera par terre. Sisi sote tutakuwa chini. Les maisons tomberont parce que les ingénieurs n'ont jamais connu comment on fait le plan. Nyumba zitanguka sababu wengineer wajua namna gani ya kufanya mpango wa kuchenga. On va nous augmenter les sucres alors que nous avons la diabète parce qu'on ne comprend pas comment on fait les examens. Sukari, et on va mourir. Mgonjwa wa kisukari na tutakufa. Nous tuons ce qui font notre force. Tunaua ile ambayo inakuwa nguvu yetu. Quand j'étais responsable de l'intercession, j'aimais ce que papa faisait pour nous. Nilikuwa mwongozi wa waombaji, nilipenda ile ambayo baba alifanya kwa ajili yetu. Vous êtes le commando. Angepaswa kuja na natuambia nyinyi ni wa commando. C'est vous la force de la maison. Na ni nyinyi ndio nguvu ya nyumba hii. Et ça permet qu'on prie. Na inarahisisha tuweze kuomba. Combien de pasteurs ne connaissent même pas qui est en train de prier? Wachungaji ngapi ambao hawajui nani anaomba? Comment vous allez amener l'église sans connaître même ce qui prie? Na namna gani utaweza kupeleka kanisa bila kujua ula anayeomba? Et il est là dans le bureau de ceux qui donnent le dîme. Iko ndani ya ofisi ya wanaopana. Celui qui prie là, il est en train de protéger celui qui donne le dîme. Ula anayeomba hapa si ndiye anakinga ula anayepana cha 10. Nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Tunajipinga sisi wenyewe. Oh non, on veut me tuer ce jour. Je suis vraiment en danger. Kabisa hii siku niko hatarini wanapenda waniue. Je ne mange plus chez autrui. Na sikule tena nyumbani kwa watu. Et entre temps celui qui prépare pour toi. Wewe. Na naye kupigia unamchamba. Wewe unasikia unatembea katembea kasa kitu gani wewe? Toi tu masque comme toi là. Papa et puis le soir on vient au tournant décisif. Na kisha magharibi unakuja kwa kitournant décisif. Ya celui qui est à côté de toi ça ce n'est pas toi. Ambia naye kwa pembeni yako hiyo sio wewe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Alors le prophète Nabi doit quitter la sécurité de Dieu anapasa toka ndani ya usalama pour être au milieu d'une faible. Il y a quoi miongoni mwa mnyonge. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Acha ni mwambie mtu. Tu es grand. Wewe ni mkubwa. Mais parfois il y a des gens faibles que toi. Lakini kuna watu wanyonge kukushinda wewe. Qui feront que tu sois grand. Ambao watafanya uwe mkubwa zaidi. Si nous sommes en sécurité. Kama tuko ndani ya ukingo. Il y a des gens qui marchent dans la brousse. Kuna watu wanaotembea ndani ya babouche. Wakiwa wanakuwa na mapapa. Moi je respecte le militaire. Na mimi nawaheshimu sana waskari. Je sens mal quand un militaire me demande l'argent, je ne peux même pas 500 francs. Nasikia vibaya wakati il y a des gens qui sont malheureux et c'est à cause de leur malheur que tu es ce que tu es. Na kuna watu ambao wanateswa lakini ni sababu ya kutesa kwako unakuwa hapa. Pourquoi ne pas les honorer? Sababu gani usiwaheshimu? Il y a une transition que l'on doit faire. Kuna mpito tunayopasa kuifanya. Accepter les faibles mains. Kubali mikono ambayo inasaidia. T'apporter le secours. Ya kukuletea msaada. Tu vas être grand. Utakuwa mkubwa. Mais tu auras besoin. Lakini utahitaji. Peut-être même d'un faible. Sasa moja na mtu mwingine. Pour te donner les formations. Ili akupatie habari. On ne peut pas avoir la sécurité de Goma. Hauwezi kupata usalama mtu. Sans avoir la capacité même d'écouter un motard. Bila kuwa na uwezo wa kumsikiliza hata mtu. Il faut beaucoup de choses dans la nuit. Kuna kuwa mambo nyingi usiku. Est-ce que quand Dieu va te lever? Wakati Mungu atakapo. Tu seras capable de l'écouter. Utakuwa na uwezo wa kumsikiliza. C'est ça la transition. Na hii ndio mpito. Tu n'as pas besoin de grand pour devenir grand. Hauna haja wakubwa ili uwe mkubwa. Les grands vont te tromper. Wakubwa watakudanganya. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Kuna mambo mengi à tous les niveaux du pays. Ndani ya kila ngazi ya nchi. Je suis sûr si vous posez la question au gouverneur. Najua mkiuliza liwali. Au maire de la ville. Kwa meya wa mji. Et au président. Na rais. Tout le monde s'est fait rouler. Kila mtu anachengwa. Pourquoi? Sababu gani? Parce que on lui dit sur terre voici ce qui est fait. Sababu wanamwambia. Dans le papier on dit c'est ça. Ndio nafanyika. Mais si on n'a pas un petit. Lakini kama hauna. Qui peut dire ah mzee? Mtu ambaye anaweza kuambia mzee? Ile kilalo haijajengewa. C'est pas là, n'est pas encore construit. Tu auras des ponts sur le papier. Utakuwa na vilalo kwenye karatasi. Je parle à un grand ici. Est-ce qu'il y a un grand ici? J'étais en train de te dire de la part de Dieu que Dieu te donnera des plus faibles. Accepte cette transition. Il y aura des informations importantes qui te proviendront des bouches simples et faibles. Beaucoup de foyers sont morts. Même la sentinelle, la personne méprisée de la parcelle, elle pouvait te dire papa ou maman. Hein? Je n'y crois pas. Ovio. Mais toi, tu viens de la voiture, tu dis boum. Dans la chambre, tu n'auras pas d'information. La grandeur, c'est ça, il faut s'humilier. Vous voyez, quand Jésus est en train de parler à la femme samaritaine, et les apôtres disent, mais qu'est-ce qu'il parle avec elle? En fait, ils sentaient comme si elle n'est pas digne d'être avec Jésus tout seul. Le jour où tu deviens gouverneur, maire de la ville, grand révérend, et des gens faibles là, ils te diront la vraie vérité. Si vous êtes autorité, kama wewe ni mtu mkubwa, vous êtes reçu par tous les grands de Goma. Na unapokelewa na wakubwa wote wa Goma. Vraiment non, ces jours-là, on a le courage ces derniers temps avec Nimrod. Non, wanakuambia pamoja na huyu Nimrod tunakuambia Nimrod tumeshakuwa kabisa na umeme. Wewe ndio muulize mtu wa Katoi huko. Tisho rasi ya le courage Goma. Na utajua kama umeme huko ndani ya mji. C'est live. Ils ont le courage avec eux. Si wale wakubwa wanakuwa na umeme nyumbani kwao. Ils t'emmènent pas à l'hôtel. Il y a pas de coupure, tu seras comme. Na wanakubeba hotelini hakuna umeme kwenda. Tu sors tout le peuple fâché contre toi, tu ne comprends pas. En fait, na unapotoka watu jamais fait la transition. Tu as dit, sors de la sécurité, sors de la grandeur, va vers la plus faible de mon peuple, va vers la pauvre. Là, je l'ai ordonné de te nourrir. Il y a un grand qui doit être nourri par le plus faible. Il y a un grand qui doit être nourri par le plus faible. Accepte la farine de la plus faible. Parce que c'est cette farine qui te donne la force de faire descendre le feu. Pourquoi ça te permet? Parce que le miracle de Dieu est caché dans ce qu'on appelle la compassion. Pourquoi il n'y a plus de miracles aujourd'hui? Parce que nous avons la vision. Mais nous n'avons pas la compassion. La Bible dit, Jésus est mis de compassion, guéri. Jésus ne guérissait pas parce qu'il voulait démontrer aux gens qu'il est puissant. Jésus guérissait parce qu'il avait pitié. Jusqu'à ce que nous ayons le cœur de pitié, nous ne ferons pas le vrai miracle. Qu'est-ce que nous savons de plus faible? L'Église, Kanisa, Dieu nous dit, après le tournant, allez sur terrain. Après le tournant, descendez de cette montagne. Allez vers la veuve. Pas vers le président. Pas vers le riche. Allez vers la plus faible. Responsable de cellule. Consultez la plus faible. Maire de la ville, consultez le plus faible. Allez parler au plus faible. La nation va mal. Parce qu'on a fait des réunions avec fake. Les gens qui mangent bien, ils nous trompent. À Goma. Au-delà, à la fin de la ville. Là, quand vous montez vers la montagne, vous allez vers le volcan. Il y a des gens qui lavent le bébé sur la rosée du matin. Ce n'est pas à 100 km à Goma. Montez là-bas, il y a des gens qui achètent le bidon d'eau et ils sont huit à la maison. Il faut se distribuer l'eau, gobelet pour se laver. Mwende huko kuna watu wananunua bidon moja mai ili waweze kunywa wote ndani ya nyumba na wako watu nane. Dieu est en train de nous visiter, frère. Na unasema Mungu va vers la veuve. Mwende kwa mchane. Et tu seras un vrai leader. Tu connaîtras la réalité. Utajua ukweli. Tu es responsable. Tu es autorité. Tu fais des réunions avec qui? Le temps était venu où Dieu parle à l'homme qui devait amener la révolution, qui devait amener la transformation, qui devait ramener la gloire de Dieu dans la nation d'Israël. Le test, c'était de quitter les réunions des grands, de quitter les réunions de ceux qui mangent bien pour aller écouter la veuve, aller manger avec la veuve, sentir la douleur de la veuve. Vous voulez être député? Vous allez avec le cahier des charges de qui? J'ai été dans le quartier du volcan. Non, il n'y a pas la réalité là-bas. Il y a à Goma des gens qui ne connaissent pas l'hôtel Iwusu, ne connaissent même pas que la barrière est ici. Si kuna watu hapa Goma ambao wajue kama mpaka uko hapa ma hotel Iwusu kwa hapa. Ils savent que qu'on a un lac à Goma, ils ne savent pas que ils ne connaissent pas le lac. Wanajua kwamba tuna ziwa bahari hapa lakini hawajaiona hata siku moja. Pas loin, je suis monté avec la voiture dans une des quartiers ici. Nilipanda na gari ndani ya eneo moja huko juu. Les enfants sont venus, ils sont entrés d'embrasser la voiture. Watoto wakakuja na wakaanza kukumbatia gari. Gari gani sasa? Noa rouge. Ilikuwa noa nyekundu. Elisafa sio andre kwa. Watoto wako wanaona wanafurahi. Nasema. No. Nous sommes à Goma mais nous tous ne sommes pas à Goma. Tuko Goma lakini sote hatuko Goma. Il y a plusieurs Goma. Kuna Goma nyingi. Et on était dans les deux, on devait prendre les enfants, disons une famille, le porter pour aller au cimetière. Na tulikuwa ndani ya kilio tungepasa toa jamaa ili twende kwenye makaburi. Na mtoto anaanza kulia. Mama, pardon. Mama yake anasema mchungaji, samahani mtie mtoto mbele. Il a besoin de voir Goma. Anahitaji aone Goma hajaiona. Va vers la veuve. Wende kwa mchane. Je parle à un responsable. Namzungumzia mwongozo. Je parle à un leader. Namzungumzia mwongozo. Nous avons échoué la gestion. Nous avons échoué de produire la transformation. Parce que nous sommes dans une sphère là spirituelle. À quoi ça nous sert de faire 30 jours et rester dans l'onction au parisien là? Le temps était venu où Dieu parle à son serviteur. Il dit, tu as mangé de ma nourriture. Tu comprends que je suis puissant. Il y a une veuve là qui va mourir de faim. C'est toi qui vas multiplier. Je suis en train de dire à quelqu'un, le tournant décisif, c'est pour que tu manges. Parce qu'il y a une veuve qui t'attend. Il y a un faible qui t'attend. Il y a un pauvre qui t'attend. Il y a une maladie qui t'attend. La maladie n'est pas ici. Le problème n'est pas ici. C'est sur le terrain. L'église doit sortir de quatre murs et aller sur le champ. Aller sur le champ. Allons dans les hôpitaux. Allons dans les familles. Allons dans les entreprises. Manifestons Dieu là-bas. On n'a pas besoin de démontrer qu'on a Dieu ici. La Bible déclare, la lampe est allumée pour éclairer là où il y a le ténèbre. Ta place n'est pas là où il y a la lumière. Ta place est là où il y a le ténèbre. Ta place est là où il y a le besoin. Ta place est là où il y a la maladie. Le temps était venu où Dieu dit à son serviteur, descends de la montagne, descends du terrain du surnaturel. Descends du terrain de la gloire. Descends du terrain du miraculeux. Va vers la main qui tremble. Si tu auras un projet, ne fais pas un projet pour les intellectuels de Goma. Pense au faible. Transition. Mpito. Savez-vous? Je m'en ajoute. que cet homme, Dieu lui demande, il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Si Élie fait l'erreur de consulter Noé, il aura des difficultés. Parce que le traître de l'arche, msaliti toka sanduku s'appelle le corbeau. Toka safina anaitwa kibongo. On la voit pour aller voir si la pluie est déjà fine. Wanamwambia wendo angalie kama mvua imekwisha. Il va et le revient. Anaenda na harudi. On la voit encore. Wanamtuma tena. Il y a déjà la liberté. Kumesha kuwa mais il trouve des cadavres, il oublie Noé. Lakini anakuta maiti anamsahau Noa. Il commence à manger. Ananza kula. C'est ça le problème du corbeau. Si tu dis à Élie, Élie consulte Noé, il va Noah. Dire, Seigneur, je crois que ce n'est pas toi qui parles. Comment moi je vais manger la nourriture du traître? C'est une transition. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a la provision que tu cherches, mais ça va contredire certaines connaissances que tu as. Si même l'homme d'Élie se permet de consulter Moïse, Moïse, il a la liste des animaux et des oiseaux impurs. Musa anakuwa na oroza ya hii nyama ambazo fait partie. Ambazo ni chafu na kibombobombo inakuwa kati. Et Dieu dit, na Mungu anasema, le corbeau là, moi je parlais à Moïse que le corbeau est un oiseau impur, mais ce corbeau là qui va te nuire. Y a-t-il un évangéliste ici? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin des âmes qui seront sauvées? Il y a des gens qui sont des corbeaux aujourd'hui, mais ce sont des serviteurs de Dieu demain. Il faut accomplir la mission de Dieu, la transition de les aimer, la transition de les approcher, la transition de les supporter. Dis à celui qui est à côté de toi, supporte-moi, j'ai encore des imperfections, mais j'accomplirai la mission, je serai fidèle à la mission. Je déclare que tu accompliras la mission de Dieu attachée à ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et si Élie raconte son histoire à ses DGA, on va dire fils. Mets-toi à genoux, on va te délivrer. Kwa hao watu wakubwa wanasema piga magoti tutakufungua, wewe unafungwa. Alléluia. Amen. Alléluia, il y a des vérités. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de vous donner demain un petit livret. Ça va vous aider à voir ça. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut que l'église rentre sur la place du marché. Dieu n'a pas besoin d'une église qui prie et qui reste sur la montagne. Après la prière, il faut le terrain. Inaomba ushuke kwenye uwanja. N'essaye pas de concevoir un projet pour rester à la montagne. Jésus a refusé cela. Usifanye mradi ili ubaki kilimani. Mungu alikataa hiyo. Notre grand frère avait déjà essayé ça. Baba wetu ndugu yetu mkubwa alipima hii. Pierre a vu la gloire de la montagne, il a dit construisons les tentes ici. Petro akaona utukufu wa mlima akasema tujenge hema tatu hapa. Jésus a dit non. Yesu akasema hapana. Doit descendre là en bas. Tunapaswa kushuka huko chini. Ce que tu as reçu, uliopokea, tu le gardes, unaichunga, mais ça te permet d'exercer le ministère. Lakini inakuwezesha wewe ndo katumike ndani ya huduma. Où se trouve l'église? Kanisa liko wapi? L'église est dans la gloire. Kanisa iko ndani ya utukufu. Quand nous sommes là en train de prier, nous avons l'impression que les gens ne sont pas affamés. Tunapoomba hapa tunawaza watu hawana njaa. Dieu a besoin de politiciens qui vont se lever d'ici. Mungu anahitaji wanasiasa ambao watatoka mali hapa. Avec un caractère transformé. Wakiwa na tabia ambayo imebadilishwa. Qui vont aller assainir le domaine politique. Ambao wataenda kusafisha hii uwanja ya siasa. Qui vont aller assainir le domaine de l'enseignement. Ambao wataenda kusafisha hii uwanja ya walimu. À quoi sert ton onction? Upako wako na maana gani? On n'a pas besoin de beaucoup de pasteurs ici. Hatuna haja wachungaji wengi mali hapa. On a besoin des acteurs sur les champs. Tunahitaji watu ambao watatenda huko kwenye uwanja. Vous voulez que dans le tournant on ait 30 orateurs. Mnapenda nani kipindi hiki kutoka wanani wanenaji makumi tatu sisi sote hatutahubiri. Mais toutes ces entreprises là ont besoin de nous. Lakini makampuni hizi zote sisi natuhitaji. Allons vers la veuve. Twende kwa mjane. À acceptons de quitter la sécurité tukubali kuondoka ndani ya usalama pour aller vers le besoin ili tuende mahali ambapo kuna hitaji. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prier même pour la nation. Tuko tunaombea hata taifa. Oh Seigneur, donne-nous des responsables chrétiens. Eh Bwana utupatie waongozi wa Kristo. Mais qui est ce chrétien là si ce n'est pas toi? Lakini ule mkristo ni nani kama si wewe? Va démontrer ta chrétienté là-bas. Sio ndio onyesha ukristo wako huko. Le décalage. Utofauti. Le décalage de la foi. Utofauti wa imani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le décalage de la foi. Utofauti wa imani. Si on a réussi la transition. Kama umefaulu mpito. Aller vers là où Dieu veut que nous puissions aller. Twende mahali ambapo Mungu anapenda twende. On va rencontrer le décalage. Tutakuta utofauti. Le décalage commence où? Utofauti inaanzia wapi? C'est quand Élie. Ni wakati Elia. Il est là. Iko hapo. Il a demandé à la femme veuve. Aliomba huyo mwanamke mjane. Donne-moi à manger. Unipatie chakula. La veuve dit non, nous ne restons qu'avec peu. Na huyo mjane anasema tunabaki tu na kidogo. Et nous allons manger. Na tutakula. Et nous allons mourir. Na kisha tutakufa. C'est ça le plan. Na ni hii ndio mpango wetu. C'est vrai? Ni kweli? Prépare pour moi. Unitayarishie. Et puis Dieu va multiplier. Na kisha Mungu atazidisha. Et elle prépare. Na natayarisha. Je ne sais pas comment ça se passe. Sijui napitika namna gani. Mais la nourriture est abondante. Na chakula iko nyingi. Un jour. Siku moja. Et une semaine, deux mois, peut-être des années. Miezi mbili na miaka. C'est l'homme de feu. Ni mtu wa moto. C'est l'homme glorieux. Ni mtu mtukufu. Je crois la veuve. Naamini huu. Quand les voisines disent mais toi là. Vous êtes à bonne santé, dit, ah, oh. Nous avons un secret. Hein? Nous avons l'homme de Dieu. Yeah, le pasteur m'a visité. Moi, je suis son ami. Hein? Il est puissant. Non, la nourriture est en train de se multiplier. Jusqu'au jour où elle se réveille, le fils est mort. Et elle dit à l'homme de Dieu. Nanamwambia mtumishi wa Mungu. Es-tu venu? Umekuja hapa. Pour me rappeler? Ili unikumbushe. Le souvenir de mes péchés qui a fait que mon mari meurt. Ukumbusho wa dhambi zangu iliyofanya mume wangu akufe. Tu es venu me rappeler? Umekuja kunikumbusha. Mes souffrances? Mateso yangu. Et venir tuer mon fils? Nakuja kumua mwana wangu. L'homme est de fait à Baluki sorcier. Ule mtu wa moto anakuwa mlozi sasa. C'est ça le décalage. Na ni hii ndio utofauti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle douleur. Uchungu gani? Quand vous avez prié pour quelqu'un. Wakati uliomwombea mtu. Il était sidatique. Alikuwa na ukimwi. Il est guéri. Na anaponyeshwa. Et demain vous dites vous n'avez pas d'onction. Na kesho nakwambia. C'est notre coupe. Hauna upako. Attaque pasteur. Na hii ni kikombe chetu kama vile wachungaji. Quelqu'un le foyer était déjà en train de mourir. Na mtu jamaa yake alikuwa na kufa. Vous avez fait des veillées, réconciliation, prière, délivrance. Ulifanya maombi, mapatano, mafungu, kufungu. Et quand vous prêchez, ils disent mais où mtu wako kitena na Mungu. Na unapohubiri, semesi ina plus Dieu. Décalage. Utofauti. Dans la famille, Dania Chama, quelqu'un que vous avez soutenu, Mutu liam saidia, vous l'avez aidé à être quelqu'un. Ulim saidia kuwa mtu. Et demain, il vous fait des leçons. Na kesho anakupatia masomo. Décalage. Utofauti. Sur le chemin de la vie, kwenye njia ya maisha, tu rencontreras des décalages. Utakuta utofauti. Dans le caractère des gens, Dania tabia watu. Il y aura des décalages. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme te décevra. Même quand tu produis le miracle, il y aura toujours une déception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque victoire cache une zone d'ombre. Tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont été élevés, ils avaient avec eux une dose. Il faut voir Jésus quand il est là devant Pilate. Pilate pose la question. Il dit, voulez-vous que je vous relâche Jésus ou Barnabas? Le voleur ou celui qui vous a guéri? Le meurtrier ou celui qui vous a multiplié les pains? Il dit, relâchez Barnabas. Quelle déception. Sur le chemin de la vie, tu rencontreras la déception. Mais tu t'y es moyo. Parce que si tu réussis cette transition-là, le feu va bientôt descendre. Mais il faut d'abord réussir ça. Combien sont morts? Ils ne savent plus donner. Parce qu'ils avaient donné à quelqu'un, il était ingrat. Oh bien-aimé, le donner c'est ton appel. Tu ne donnes pas parce que les gens te disent merci. Tu ne donnes pas parce que tu veux que les gens te remercient. Donne parce que tu as compris les commandements. Donne parce qu'il y a un registre au ciel. Continue à faire le bien parce qu'il y a Dieu. Tu sais ce que tu dois faire. Vous savez quand la femme dit, tu as tué mon enfant. Moi j'ai multiplié le blé, j'ai multiplié la farine et maintenant je deviens le sorcier. Ne te bats pas, ne commence pas une prédication. L'incrétitude, c'est le signe de la fin des temps. Vas-y parce que tu as été dans la présence de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Tu vas ressusciter ce cadavre-là. Tu vas ressusciter ce cadavre-là. Parce que le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, au torrent de Kérit, tu as été équipé pas seulement pour produire des miracles mais aussi pour gérer des crises. J'aimerais qu'à ce jour quelqu'un demande à Dieu la capacité de gérer les crises. Les crises arriveront. Il n'y a pas d'élévation sans décalage. Tu rencontreras des décalages. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta nation et de la maison de ton père. Je rendrai ton nom grand. Je t'élèverai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Genèse 12, 1 à 3. Hébreu nous dit ceci. Dans Hébreu 11, le verset 6, la Bible dit qu'Abraham obéit et parti sans savoir où il allait. Quand on voit Abraham partir, on croit que le miracle faut l'accueillir sur la terre de Canaan. Mais quand le père Abraham arrive là, c'est la famine qui a accueilli Abraham sur la terre de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'obéissance, il y aura un décalage entre la promesse et la réalité. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui t'a appelé, il connaît le chemin mieux que toi. Le chemin de la foi n'est pas une ligne droite. Même quand il y a des courbures, confie-toi à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Même dans ces virgules, il y a la gloire de Dieu. Même dans ces virgules, il y a la gloire de Dieu. Abraham arrive à Canaan. La famine l'accueille. Et il fuit jusqu'en Égypte. Et il va marier sa femme. Il va voir sa femme se marier avec Pharaon. Il va voir sa femme passer quelques nuits chez Pharaon. Mais Seigneur, j'ai obéi à ta voix. J'ai tout laissé. Mais pourquoi la famille m'a atteint? sur le chat où tu m'as envoyé. Quand tu auras des contradictions, souviens-toi de la première voix. Souviens-toi de la première voix. Je parle à quelqu'un. Souviens-toi de la première voix. Ce qui t'arrive, ce qui t'arrive, ce n'est pas la fin. C'est la transition. Parce que quand tu vas chez Pharaon, il y a une semence, il y a un chemin que tu es en train de tracer. Parce que tes actes sont prophétiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham. Abraham, il a sa femme. Anakuwa na mke wake. Beaucoup des années. Miaka nyingi. Sans enfant. Bila mtoto. Et la femme lui donne le conseil. Na mke anampatia shauri. Prend Agar. Mkamate Agari. Il prend Agar. Anamchukua Agari. Et la femme est née. Na mtoto anazaliwa. Après 13 ans. Kisha miaka 13. La femme est déjà adulte. Mtoto amekesha kukoma. Abraham a 100 ans. Na Abraham anakuwa na miaka 100. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Chasse la femme. Je vais laisser un enfant qui est déjà mature pour prendre un bébé. Décalage. Utofauti. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? C'est un combat. Si tu vas voir le feu descendre, c'est parce que tu as réussi la transition et le décalage. Ile mpito na utofauti. Demain nous allons parler. Kesho tutazungumzia. Du combat de l'autel. Vita vya madhabahu. J'aurai assez de temps. Nitakuwa na muda mwingi. Je vais prendre un seul combat. Nitakamata tu vita moja. Et on va faire ce combat là. Na tutaona hii vita tutaifanya. Nous allons comprendre. Tutaelewa ya kwamba. Que le feu. Ya kwamba moto. Appartient. Inakuwa. À ceux qui ont reçu la transition. Ya wale ambao walifaulu mpito. Et le décalage. Na hii utofauti. La Bible dit. Biblia nasema. Mes pensées. Mawazo ne sont pas vos pensées. Yangu si kama mawazo yenu. Autant les ciels et la terre sont séparés. Jinsi mbingu na dunia vinatengana. Et si hivyo, je suis loin de vous. Mimi ni mbali nanyi. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Hatupaswi kumuelewa Mungu. Soyons prêts à obéir à Dieu même sans beaucoup comprendre. Tukuwe tayari kumtii Mungu hata bila tukuelewa sana. Mais soyons sûrs. Lakini tuelewe, que nous sommes là où il veut que nous soyons. Ya kwamba tuko mahali ambapo anahitaji tuko. J'ai une prière dans mon cœur. Na kwa naombi moyoni mwangu. Un homme m'a dit. Mtu mmoja akaniambia. Ça m'a révolutionné dans toute ma vie. Na ikanibadilisha maisha ni mwangu mote. J'étais dans un programme de prière. Nilikuwa ndani ya mpango wa maombi. Je fais quelques jours en train de prier et de jeûner. Nilifanya siku fulani nikiomba na nikifunga. Et c'était un homme de Dieu qui prêchait dans notre église. Il ne me voyait pas. Na ilikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa akihubiri ndani ya kanisa letu alikuwa kuna. Tu étais où? Aliponiona akaniambia ulikuwa wapi? J'ai dit j'étais en prière. Nikamwambia nilikuwa ndani ya maombi. Combien de jours? Je lui ai donné le nombre. Nikampatia hesabu ya siku. Il dit mais c'est pas vrai. Akaniambia sio kweli. Tu as prié tout ce jour là sans manger? Unapasomba hizo siku zote bila kula? Il m'a dit. Akaniambia si. Moi j'ai pris 3 jours. Mimi nikiomba siku 3. Ce sont les morts qui ressuscitent. Ni wafu ambao wanafufuka. Bon, il y avait un peu d'orgueil en lui. Kulikuwa kabisa kiburi ndani yake. Mais ça m'a aidé. Lakini ilinisaidia. Pensez-vous que 30 jours c'est peu devant Dieu? Je mnaoza siku 13 ni kidogo mbele ya Mungu. 30 siku 13. En train d'écouter Dieu. Ukimsikiliza Mungu. 30 siku 13. 13 na 5. 36 13 na 6. Et ça, tout, depuis 2013, tangu mwaka 2013, ajouter les grâces insondables, ongeze hii kipindi cha grâce insondable, n'avons-nous pas besoin de réfléchir encore? Je hatuna haja ya kufikiri tena. Dieu Mungu est en train de dire, à soi, le temps est venu wakati umefika, d'aller démontrer cette connaissance sur le terrain. Il y a un pasteur somalien. Kuna mchungaji msomalia. Il a pris son église. Alikamata kanisa lake. Il s'est rendu compte qu'il y a une contradiction. Akagundua ya kwamba kuna vipingamizi. Beaucoup des églises, makanisa nyingi, peu d'impact. Lakini hakuna uwezo wote. En fait, voyez, tel que nous sommes là, c'est une grande armée. Si nous comprenons le principe que nous avons, c'est une grande armée. Il a appelé ses membres. Il a défini les valeurs de ses membres. Il dit, vous devez signer sur ces critères. Anasema mnapasa kuandika juu ya kanuni hizi. Pour dire que vous êtes membre de cette église. Vous ne pouvez pas avoir la carte de membre si vous n'acceptez pas de vivre ça. Na haupasha kuwa na kadi ya wanamemba kama haukubali kuishi. Unapaswa kuwa mtu qui n'est pas dans la corruption. Ambaye haiko ndani ya rushwa. Et au travail et à la famille partout. Iko kazini, iko ndani ya jamaa mahali pote. Vous ne devez pas mentir dans votre vie. Haupaswa kudanganya maisha ni mwako. Vous devez être discipliné, vous respectez votre parole, les hommes de parole. Unapaswa kuwa na taratibu na unaheshimu neno lako. Il a travaillé sur ça. Il dit les autres, si vous ne pouvez pas respecter ça, vous devenez des sympathisants, vous venez à l'église, vous donnez. Mais les membres, les gens que je dois enterrer s'ils sont morts, les gens que je dois marier sont ceux qui ont cette carte. Na kasema ambao hawataweza kutii kanuni hizi wanaweza kuwa tu wanamemba kawaida. Lakini wala ambao watawazika wanapaswa kuheshimu kanuni hizi. Kisha sasa miaka 8. Il y a eu un président musulman. Kulikuwa raisi ambaye alikuwa ni Muislamu. Il est venu pour former ce gouvernement, il appelle le pasteur. Akakuja kufanya serikali yake na kamuita mchungaji. Il dit pasteur, anasema mchungaji. Donne-moi ces ministres. Unipatie hawa wa waziri. On parle de ton église. Wanazungumzia kanisa lako. Ce n'était pas une église qui parle la langue. Haikukua kanisa ambayo inazungumza kwa lugha. C'est une église qui a développé les valeurs chrétiennes. Ni kanisa ambayo iliweza kuendelesha thamani ya Wakristo. On a choisi les ministres dans l'église. Na wakachagua wale wa waziri ndani ya kanisa. Il a dit je peux compter sur l'église. Anasema naweza kutegemea pour relever l'Éthiopie. Ili niweze kupandisha tena hii nchi yetu. Au Congo. Congo. Nous avons plus de 80% de chrétiens. Tuna karibuni asilimia 18 ya wakristo. Les églises se multiplient. Na kanisa zinazidishwa kila mara. Chaque deux mois vous passez dans un quartier, il y a une nouvelle église. Kila miezi mbili il y a une chambre de prière. Kunakuwa chumba la maombi. Mais entre temps les bars continuent. Na kisa hapo vilabu vinaendelea. Entre temps il y a les meurtres. Kisa hapo kuna mauaji. Où est l'impact de l'église? Kanisa nguvu yake iko wapi? Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Quittez les prières là. Utoke ndani ya ile maombi. Quittez les longues prédications, descendez vers la fête. Allez manifester le comportement. Allez manifester la patience. Allez manifester le fruit de l'esprit. Allez produire le miracle. Allez manifester la gloire. Qu'est-ce que nous faisons pendant 36 jours? Si à rentrant dans le terrain, nos familles ne peuvent pas sentir la gloire de Dieu. Nous sommes dans la bataille de divinité. Chaque victoire que Dieu nous donne doit renverser une doctrine, doit renverser un faux raisonnement. Ta vie doit contredire ce que les gens ont passé. Moi, je prie toujours. Je dis, Seigneur, on sait que les jeunes ne peuvent pas se servir dans la vérité. Je serai ces jeunes-là. Je vais vieillir à la chair. Je ne te trahirai pas. Et on saura par ma vie qu'un jeune peut demeurer dans ta présence. Un jeune peut te servir. Ça, c'est mon défi. Toi, tu es appelé à la politique. La politique n'appartient pas aux païens. Dieu lui-même est politicien. Va dans ce monde-là. Prouve qu'on peut diriger le pays sans être dans la franc-maçon. C'est toi qui vas le démontrer. On n'a pas besoin de chrétiens ici. Daniel était à Babylone. Au milieu de magiciens. Au milieu de sorciers. Et il a fait preuve qu'on peut respecter Dieu. Tu vas réussir. Où est-ce que nous allons fuir? Va dans le monde. Sois un bon professeur. Va à l'université. Si tout le monde doit se faire corrompre, toi tu ne te feras pas corrompre. Et tu seras la lampe de Dieu, la lumière de Dieu. Dieu il a besoin de renverser les divinités. Et il veut utiliser ses enfants. nous sommes l'armée de l'Éternel pour renverser les dominations. Chaque action qui se passe dans ta vie doit élever Dieu, doit humilier un esprit. Chaque chose qui se passe dans ta vie doit fermer la bouche du maçon. La Bible déclare que l'on sache que Dieu, il est le seul qui est vrai et que les hommes sont des menteurs. Je dis à quelqu'un, à cause de toi, le monde saura que le cancer n'est pas un défi. Les médecins sauront ça. Quand au Seigneur Jésus mourait sur la croix, les gens pensaient qu'il a échoué. Mais il était dans la bataille des divinités. Il était en train d'aller arracher un verset qui disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Il n'allait pas là parce qu'il a échoué. Il allait là parce qu'il y avait une bataille. Il y avait une écriture qui devait être changée. Et même sur la croix, il était encore roi. Sois roi même quand tu es célibataire. Sois roi même quand tes poches sont vides. Tu seras sur ta croix, mais le titre que tu portes, celui-ci est roi. Quand il avait la couronne d'épines, ceux qui ne comprenaient pas, il pensait qu'il a échoué. Mais lui, il était en train d'aller ramasser les épines qui avaient poussé le jour où l'homme a péché. Dieu a dit, la terre produira des épines. Et mon Seigneur Jésus, il est allé ramasser les épines. Parce que la Bible déclare, il a enlevé la malédiction qui était sur nous. Il n'a pas échoué. Il était en train d'accomplir une écriture. Il était en train de renverser une divinité. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand on pense que tu as échoué, rassure-toi que sur ta croix, il est écrit, celui-ci est le roi. Même si les Juifs refusent, ils disent notre roi ne peut pas être ennemi. Pilate se levera. Il dira ce qui est écrit. Même si les célibataires, même si les chômeurs, celui le responsable de sa famille, la Bible déclare le libérateur du peuple de Dieu est descendu en Égypte, les mains liées. Je parle à quelqu'un qui a les mains liées, mais je dis que c'est toi le libérateur de ta famille. Dieu va couper ses chaînes, car l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même quand tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est celui qui est avec toi. Ta houlette et son bâton te rassurent. Le temps vient où il va placer une table en face de tes ennemis. Le temps vient où il va oindre ta tête et ta coupe déborde. Mais l'homme qui verra sa coupe déborder, c'est l'homme qui a été dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es Joseph. Tu es lié. Accepte le décalage. Parce que c'est le chemin de toi. Joseph Yusuf va aller gérer atenda kongoza dans la maison de Pharaon. Ndani ya nyumba ya Farao. Pharaon c'est un pauvre. Pharaon ni maskini. Il n'a pas un homme qui a l'esprit supérieur. Hana mtu ambaye anakuwa na roho. Jacob n'a pas besoin de fils qui a l'esprit supérieur. Yakobo hana haja ya mtu mtoto ambaye iko na roho kubwa. C'est l'Égypte. Je vais prier pour certaines personnes. Nitaombea watu. Votre appel n'est pas le pastoral. Wito wenu sio uchungaji. Mais vous allez gérer les blés. Lakini mutaongoza na kutawala ngano. Même Jacob. Hata Yakobo. Viendra. Atakuja. Il quittera la terre sainte. Atatoka ile nchi. Il te suivra. Na atakufuata. Parce que tu as réussi le décalage. Sababu ulifaulu tofauti. Tu as reçu la transition. Uliweza hii mapito. Tu es allé révéler Dieu. Na ukaenda kufunua Mungu. Dans le noir. Du Pharaon, trouve un homme sage. Il est en train de dire tous ces gens qui t'entourent là. Il y a personne qui peut gérer. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit non. C'est lui. On va te reconnaître. Que la faveur de la reconnaissance après ces 30 jours vienne sur ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui sent qu'il a un appel sécurisé. Tu sens que tu dois aller éclairer une zone. Tu dois aller éclairer un domaine. Tu n'auras pas besoin d'aller avec la Bible. Tu vas donner aux Gédéons les finances pour le faire. Mais toi, tu vas révéler Dieu par ta capacité de rester au milieu des sorciers sans être sorcier. Par la capacité de rester au milieu du pays sans mourir. Par la capacité de dire à la femme de Pharaon, même si je suis loin de mon pays, je suis avec Dieu. Je ne pécherai pas. Même si je suis loin de l'as, même si je suis loin de mon pasteur, même si je suis loin des gens qui me connaissent, je connais Dieu. Je fais très bien ma transition. Lève-toi, notre papa va prier pour toi. Tu sens cet appel-là. Lève-toi, il va prier. Il va t'accorder une onction spéciale pour aller vers la veuve. Je sens clairement dans mon esprit qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des projets. Pas pour avoir l'argent, mais pour répondre à des besoins. Je suis en train de sentir que le temps est venu de préparer des hommes et des femmes qui vont éclairer la politique du Congo, qui vont éclairer les affaires du Congo, qui vont éclairer les universités du Congo. Sois lucide devant Dieu. Voulons prier, s'il vous plaît. Tu sens que tu n'as pas une vocation ministérielle, pastorale, mais que tu dois impacter là où Dieu t'a placé. Lève ta main. Je vais prier avec toi. Dites Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai compris. Il y eut un Joseph qui t'a dévoilé en Égypte. Il y eut un Daniel qui t'a dévoilé à Babylone. Aujourd'hui, me voici. Je m'engage à te dévoiler dans cette ville là où tu m'as placé. Seigneur, les ténèbres couvrent la terre dans mon domaine. Que ta lumière se lève sur moi. Je me lève pour éclairer, pour confondre l'obscurité, pour éclairer. Que ma lumière soit. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Utilise-moi pour éclairer là où tu m'as placé. À partir de maintenant et jusqu'à ce que tu me prennes. Seigneur, que ma vie soit une fleur, que ma vie soit un parfum, que ma vie soit un sujet de gloire, que ma présence dans cette entreprise dissipe les ténèbres, que ma présence dans ce ministère dissipe les ténèbres, que ma présence ramène Dieu à sa place là où tu m'as placé. Père céleste, aide-moi à te ramener à ta place dans ma famille, dans ma ville, dans ce pays et dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, levons-nous tous ensemble.